Là, dans la nuit, je la rêve tout près de ma cime. Elle demeure bien en moi. Là, ici, reste dans ma vie. Il reste que quelques mois pour partir. Me lasse la ville, la tour Eiffel. J'éloigne Paris et ses méfaits. Oh oui, je croise ce courant d'Asie me plaît. Comme une étoile poétique au ciel s'élève. Là, sans méprise, elle allège le matérialisme, envie dans mes écarts. Pathétique, occidental, un coup de baguette magique et je deviens. C'est devenu chiant comme la pluie d'habiter près de Paris. La consommation s'accroît, une autre culture que ça. Spirituellement hostile, les gens sont si vides ici. Ils achètent pour se remplir, être est devenu avoir. Un cercle de feu se dessine, se régénère avec hâte. C'est Shiva qui me fascine, dans un musée d'Arasia. La pauvreté comme prestige, quand l'être humain devient sage. Du haut de mes 25 piges, j'aimerais faire ce voyage.